Rio, ya. Rio, ya. Dogo kina hivi. Dogo kina kita buta buta. Kata mbuza ya kina. Mère jolie, mère fonda, la main avec ton puissant.